Encore une fois, je vais me battre et essayer d'aider maman. Est-ce que cette fois, peut-être un drame me permettra d'être un enfant? Encore une fois, je veux me battre pour nous sortir de ce torrent. Est-ce que cette fois, il s'en ira? Je rêve de revoir sourire maman. Pardonne-moi, mais si tu savais, ne serait-ce qu'un instant, peut-être que je n'en vaux pas la peine. Pardonne-moi, elles sont longues à cicatriser les blessures que tu nous as laissées. Encore une fois, il va falloir l'empêcher de faire du mal à maman. Est-ce que cette fois je vais pouvoir l'affronter, mais je ne suis qu'un enfant. Encore une fois il oubliera que je suis presque son enfant. Est-ce que cette fois il s'en ira? Je ne veux plus revoir pleurer maman. Pardonne-moi, mais si tu savais, ne serait-ce qu'un instant, peut-être que je n'en vaux pas la peine. Pardonne-moi, sont longues à cicatriser les blessures que tu nous as laissées. Encore une fois, je vais me battre et essayer d'aider maman. Est-ce que cette fois, peut-être un drame me permettra d'être un enfant? Encore une fois, je veux me battre pour nous sortir de ce torrent. Est-ce que cette fois il s'en ira? Je rêve de revoir sourire maman. Pardonne-moi, mais si tu savais, ne serait-ce qu'un instant, peut-être que je n'en vaux pas la peine. Pardonne-moi, elles sont longues à cicatriser les blessures que tu nous as laissées. Encore une fois, je vais devoir le regarder jouer le bon. Est-ce que cette fois il comprendra qu'il a détruit ma vie d'enfant? Encore une fois, je vais me battre, j'espère qu'elle ne m'en voudra pas maman. Est-ce qu'un jour, comme par miracle, je ressemblerai aux autres enfants? Pardonne-moi, mais si tu savais, ne serait-ce qu'un instant, peut-être que je n'en vaux pas la peine. Pardonne-moi, elles sont longues à cicatriser les blessures que tu nous as laissées. Pardonne-moi, ne serait-ce qu'un instant, tu savais que je n'en vaux pas la peine. Pardonne-moi, elles sont longues à cicatriser les blessures que tu nous as laissées. Pardonne-moi de te dire tout ça comme ça. J'espère qu'un jour tu me comprendras. Pardonne-moi, je ne suis qu'un enfant. Pardonnez-moi.